Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Gaimonzo pour l'émission La parole est à vous. Alors avec ce soir, un invité qui n'est pas un invité surprise, on l'a pas annoncé, c'est Jean Aigret, maire de Remiremont. Bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà, alors pour bavarder ensemble pendant une petite heure, sur Remiremont, bien sûr, dont Jean Aigret est le maire depuis combien de temps ? Depuis novembre 2016. Ah oui, c'est récent. Oui, ça fait un peu moins d'un an et demi suite à une élection partielle en novembre. Voilà, avec les événements qu'on a connus. À Remiremont. On ne s'attendra peut-être pas trop. On voudrait connaître Jean Aigret. On ne regarde pas le passé, on envisage l'avenir ensemble. Voilà, exactement. Si je dois me présenter en quelques mots, j'ai 31 ans. J'ai fait des études de droit public et de management public spécialisées dans les collectivités territoriales. À Nancy, voilà, l'université de Lorraine, c'est mon université de cœur. Voilà, Nancy 2. J'ai toujours été engagé dans la vie publique. Au collège, au lycée, j'étais au conseil d'administration. Après, j'ai été élu à l'université de Lorraine. Voilà, ça a toujours été quelque chose qui m'a passionné. Sur quelle liste, on peut savoir ? Ah, à l'époque, j'étais comme toi, j'étais syndicaliste, mais un peu plus à droite. J'étais à l'UNI, la droite universitaire. Mais avec cette volonté de rassembler, j'avais des gens du centre déjà à l'époque, des gens de gauche aussi qui me soutenaient. C'était une liste vraiment très large, très très ouverte, et on avait fait un super score. On avait fini premier aux élections universitaires, ce qui n'était jamais arrivé en 40 ans. D'existence, mais on avait fait des soirées en discothèque, des rencontres avec des champions d'entreprise, des sportifs de niveau. Voilà, on avait déjà vraiment fait quelque chose de différent. Moi, je pense que quand on fait de la politique, il faut envisager les choses différemment que ce qui est fait jusqu'à maintenant. Puis savoir communiquer. Voilà, communiquer. Puis savoir être à portée des gens. Ouais, proche des gens, proximité, puis aussi montrer une image entre guillemets de peut-être nouvelle. Voilà, moi j'ai même à l'époque à l'université, j'avais envie de m'engager. Tiens, ça me rappelle une anecdote. Hier, on a passé 2,7 millions d'euros pour le handicap à la ville de Remiremont. C'est quelque chose qui est un gros chantier pour les trois années qui arrivent. 2,7 millions. Et déjà à la fac, j'étais engagé pour le handicap et l'accessibilité, parce que j'avais été marqué par un copain, Kamel, un collègue de promo, qui était en fauteuil roulant. Et Kamel mettait 23 minutes pour se rendre à la cafétéria, alors que moi, je mettais 3 minutes. Bon, j'ai des grandes jambes, allez, 5 minutes. Et je me suis battu en tant qu'élu pour rendre accessible plus facilement la cafette. Et figure-toi que ça a été fait il y a un an et demi, deux ans, au bout de 10 ans, ça fait un peu 10 ans qu'on se battait déjà pour ça, et c'est la mise en accessibilité des bâtiments publics est vraiment quelque chose de très très long. Il y a quelque temps déjà, je faisais une émission avec une dame qui est responsable d'un foyer, enfin d'un établissement pour personnes handicapées, et on constatait ensemble, c'est pas nouveau, j'ai siégé d'ailleurs à la Cotorep autrefois, véritablement la France avait quand même beaucoup de retard sur l'accessibilité par rapport à d'autres pays européens. On est très en retard. Remiremont alors. Remiremont, on recolle les wagons. 2,7 millions, c'est pour améliorer l'accessibilité de 21 bâtiments. Mais malheureusement, on n'a pas le budget nécessaire. Donc, on devra faire des choix dans les bâtiments qu'on va choisir avec mon conseil municipal. La mairie est accessible depuis longtemps. Oui, la mairie est accessible. Le bâtiment en face de la mairie est accessible. Mais il y a plein de bâtiments, malheureusement, qui ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite, aux malvoyants aussi, et aux toutes personnes qui ont un handicap. C'est vraiment quelque chose qui me... Voilà, c'est l'actualité fraîche d'hier soir. Moi, c'est quelque chose qui me touche. On avait, en début d'année, fait une sensibilisation au handicap et ce que j'avais déjà fait à l'université, aussi avec mes étudiants, ce que j'ai donné des cours à l'université, c'est sensibiliser les gens en se mettant dans un fauteuil roulant et en faisant simplement le tour du pâté de maison autour de l'abbatiale. Et je peux vous dire que c'est le parcours du combattant. Est-ce que les études universitaires préparent bien la vie quand même ? Oui, ça permet d'être polyvalent, ouvert sur le monde. Moi, dans mon cas... On a l'impression quand même que les universitaires sont en quelque sorte dans un cocon. Ah oui, ça c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec toi. L'université française vit dans un cocon qui a eu du mal à s'ouvrir sur le monde de l'entreprise, où malheureusement... C'était un peu l'élite. Oui, mais je suis d'accord avec ton analyse. Je pense que l'université s'ouvre petit à petit sur le... Voilà, et puis que les personnes qui sont parties avec moins de chance, entre guillemets, dans la vie, on essaye de les aider un peu plus maintenant à l'université ou dans les grandes écoles aussi, avec des promotions qui intègrent des gens de quartiers défavorisés, qui se battent. Moi, je pense que c'est quelque chose de très important. Même dans mon parcours personnel, le mérite. Je pense que les gens doivent se battre pour réussir dans la vie et que le mérite doit être mis au goût du jour, quel que soit son compas politique, mais aussi sa passion, la radio. Tu te bats pour vous battez avec Radio Gameozo pour être la première radio locale. Et pour survivre. Et pour survivre, surtout pour survivre. Oui, oui, j'en parlerai pas. Oui, on en discutera tout à l'heure. J'ai vu votre combat. C'est vrai que c'est important, les radios locales. Et vous faites un super boulot, en tout cas, d'animation des territoires, et je pense que c'est ça le plus important pour les radios associatives, c'est faire vivre le territoire, partager de bons moments aussi avec les acteurs, les associations, les diverses personnes qui composent nos territoires. Ah oui, c'est très motivant pour les animateurs bénévoles que nous sommes, ou bien pour les professionnels qui sont par exemple derrière la table, hein, derrière les micros, d'être véritablement l'écoute. D'ailleurs, si cette émission s'appelle « La parole est à vous », elle date d'une trentaine d'années à peu près. Mmh. C'est bien pour donner la parole quand même aux personnes. Mmh. Moi, dès qu'on m'invite, je réponds favorablement à toutes les radios. C'était sympa. J'ai fait Radio Fadjet en Meurthe-et-Moselle il y a quelques mois avec Guy Lescane. Faut vraiment, voilà, quel que soit... entre guillemets, quel que soit l'échelon auquel on appartient en tant qu'élu, répondre à toutes les attentes et à toutes les demandes des citoyens, puis aussi des radios notamment. Et Fadjet, qui doit faire partie aussi de la coordination régionale. Oui, vous faites... Non, ils ne sont pas dedans. Ne fait pas partie. Bon. Ah, parce qu'il y a une coordination régionale des radios libres, et donc de Lorraine. De Lorraine, et donc on en fait partie, bien évidemment, parce que là, surtout dans la période actuelle, on a toujours intérêt à se serrer les coudes, et puis à diffuser aussi les fameux MIG, hein, les messages d'intérêt général, que la région Lorraine, enfin Grand Est maintenant, pardon, veut bien, ou d'autres veulent bien nous donner à pour l'antenne. Voilà. Mais on n'a pas épuisé le sujet. Oui, on n'a pas... On n'a pas épuisé le sujet en grès. Oui, mais si on précise, tu es né à Remiremont ? Non, je ne suis pas né à Remiremont. Je ne suis pas né à la maternité de Remiremont, puisque mon père est originaire des Vosges, ma mère de Ferdru, exactement, puisque mon grand-père était maire de Ferdru. Il est ingrès de Ferdru. Ah oui, le nom de famille ingrès est originaire des Vosges, de Rupes-sur-Moselle, exactement. C'est un nom typiquement vosgien. Je crois qu'il y a quand même aussi des liens avec la Haute-Saône. Oui, il y a des ingrès partout, partout en France. Et voilà, on a une histoire particulière dans la famille, mais je ne veux pas m'étendre, ce n'est pas le but. Ma maman est originaire de Marseille, mais avec des attaches vosgiennes, puisque mon arrière-grand-père, qui était facteur, qui s'appelait Jean d'ailleurs, avait été muté à Ferdru en tant que facteur. Il était d'originaire de la région parisienne et de Toulouse aussi. Tu en parles au passé ? Oui, arrière-grand-père. Ah oui, que j'ai... Ouais, oui. Et donc on a toujours, quel que ça soit du côté de mon père naturellement, mais aussi du côté de ma mère, nous avons le cœur bat pour les Vosges et pour la montagne vosgienne. Et tout à l'heure, le premier morceau de musique que j'ai choisi, c'est la musique d'entrée des joueurs de l'Olympique de Marseille, que je soutiens naturellement demain soir en finale. À cause de la maman un peu. Oui, la maman, et puis c'est vrai que... On allait chaque année plusieurs fois en vacances à Marseille, voir mes grands-parents. Et donc, voilà, l'OM, c'est mon club de cœur, le club que j'ai depuis enfant. Puis naturellement, l'équipe de France que je soutiens. Voilà, j'ai pas beaucoup, moi je suis quelqu'un de très fidèle. Tu as pratiqué le foot ? Oui, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas combien. J'ai joué à Rupes-sur-Moselle, j'ai joué à l'SPTT Nancy. J'étais arbitre de foot aussi en Meurthe-et-Moselle pendant mes études. Ça me permettait de gagner un peu d'argent à côté. Une très belle expérience, très enrichissante. C'est très difficile de gérer 22 acteurs, plus le public, les remplaçants, avec des arbitres de touche bénévoles la plupart du temps. Mais c'est vraiment, en termes de développement personnel, une belle expérience de vie. Et puis depuis que je suis élu, malheureusement, je ne joue pas assez. au foot, mais je joue à De Martin en sport loisir et je vais de temps en temps au futur. Oui, malgré tout. Oui, quelques fois. Et puis Saint-Étienne-Remiremont, le club qui va bientôt fusionner samedi. La charge de maire te laisse encore à quelques peu de temps pour. 5-6 fois, j'ai joué au foot en un an et demi. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Non, malheureusement. J'aimerais bien plus. Alors, c'est parce que Jean Aigret, c'est aussi un engagement politique. Oui. Non seulement l'université, parce que finalement, c'était déjà un peu ça, même si c'était qu'un engagement syndical. Et après, qu'est-ce qui s'est passé alors? Et après. Si c'est pas discret. Non, pas du tout, pas du tout. J'ai créé l'association parce que les jeunes ont des idées. Le Club démocratique des Vosges. Après le Club démocratique des Vosges, qui est un peu la suite logique du parce que les jeunes ont des idées, c'est un club de formation, le Club démocratique des Vosges, que je continue à faire vivre, qui rassemble les Vosgiens qui veulent s'engager dans la vie publique, économique, associative du territoire. Ce que je trouvais dommage. Quel que soit leur bord politique. Ce que je trouvais d'ailleurs, je pense à ça, puisque hier j'ai posté une photo sur Instagram du tournoi de foot solidaire que j'organisais chaque année à Ramonchamp pendant 5 ou 6 ans, où Christophe Thomas, un syndicaliste de Saint-Étienne, un copain qui a marqué très bons souvenirs, puisqu'il venait avec Steve Chenel, notre champion. Ah oui, bien sûr. Et Steve était le parrain de mon tournoi caritatif. Donc c'est vraiment un club très ouvert. Moi j'essaye d'ouvrir pour que les gens. Ce qui manque dans les partis politiques et ce qui malheureusement n'a pas changé depuis de nombreuses années, c'est que quand vous faites partie d'un parti politique, vous êtes bon à coller des affiches ou à distribuer des tracts. Et malheureusement, ce que n'ont pas compris beaucoup de responsables politiques, c'est que les gens attendent autre chose maintenant, c'est-à-dire de la formation, apprendre à débattre, à réfléchir ensemble et à faire des propositions concrètes. Moi, je raconte souvent cette anecdote. Je recevais à Épinal, il y a 2 ou 3 ans, François Guillaume, l'ancien ministre de l'Agriculture de Jacques Chirac. Et j'ai un copain qui était responsable. Habitant Meurthe-et-Moselle, d'ailleurs. Oui, François Guillaume de Nancy, Meurthe-et-Moselle, à côté, un petit village. Et d'ailleurs, son fils est toujours conseiller régional avec une longue filiation politique. D'accord. Et je reçois François Guillaume et mes copains. Du MoDem me disent « Oh, on n'a pas envie de venir, il était au RPR, maintenant il est pour Dupont-Aignan, qu'est-ce qu'on vient faire là ?» Ah bon ? Ouais, ouais. Donc, et puis je leur dis « Venez, puis on parlera de l'agriculture de façon, sans aucun tabou, sans aucune langue de bois. » Il était responsable aussi de la FNSEA. Ouais, oui, un long parcours politique et syndical. Et finalement, 90% des propositions qui étaient faites étaient quasiment similaires. Le bilan, pareil, quasiment tout le monde était d'accord sur le bilan de l'agriculture en France. Et au niveau des propositions concrètes, il n'y avait quasiment pas de différence entre les mecs de gauche et ceux de Debout la France. Voilà. Comme quoi. Aujourd'hui, quand même, je pense que on s'oriente quand même vers une agriculture plus raisonnée. Oui, biologique, raisonnée, des circuits courts. C'est vraiment surtout pour nous, pour notre territoire, pour les agriculteurs de notre territoire. Et c'est vrai qu'on. Qu'on accueille plus souvent la Confédération paysanne que la FNSEA, parce que bon, on a une sensibilité aussi à la radio locale. Bah oui, c'est normal. C'est normal. Bah, tu as eu aussi un long parcours syndical avec beaucoup de travail auprès des concitoyens, et je sais que tu t'es battu. C'est pour ça, moi, j'ai un immense respect pour les syndicalistes. Ça me rappelle nos amis de l'ADEMAT, l'Association de défense de la maternité, quand je les ai reçus dans mon bureau. J'aurais dit, bon, écoutez, les gars, on va pas se regarder en chien de faïence pendant une heure. J'étais syndicaliste aussi, même si on partage pas toutes les mêmes idées politiques, on va quand même se battre pour un même unique but, sauver la maternité de Remiremont et l'hôpital tous ensemble. Voilà, et donc ça se passe très bien. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui s'engagent dans la vie publique. Il n'y a pas que les syndicalistes. Non, il n'y a pas que les syndicalistes, Je crois quand même que si une organisation, enfin une association qui représente vraiment la population, vraiment les désirs de la population de voir cette maternité continuer, se pérenniser, c'est bien quand même une association qui recueille un peu toutes les tendances. Plus largement, bien sûr. Vraiment toutes les tendances politiques, toutes les tendances syndicales. Bien sûr, j'en fais partie. Beaucoup d'élus de droite, du centre, de la gauche en font partie. Mais on a quand même chez les syndicalistes une force de combat qu'on n'a pas forcément ailleurs. Et je pense que le fait d'être syndicaliste, de droite ou de gauche, peu importe, ça donne une force de frappe et aussi Le fait de ne pas être, de ne pas pratiquer la langue de bois, de ne pas se cacher derrière son petit doigt. Je pense que souvent, dans ce pays, quels que soient les axes qu'a donné l'État, on se cache derrière le politiquement correct, la vérité bâillonnée, il ne faut pas dire ça. J'avais encore un débat ce matin avec des collègues. Les citoyens qui s'engagent dans la vie publique, dans la vie démocratique, qu'ils soient élus ou pas, doivent dire ce qu'ils pensent et être sincères. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Malheureusement, je crois que si les Français aujourd'hui sont déçus de la politique, c'est bien parce qu'ils ont vraiment l'impression que leurs dirigeants ne sont pas sincères. C'est ça, et qu'ils se cachent. Il ne s'agit pas seulement de tenir ses promesses ou pas, parce qu'on sait très bien que dans le feu de l'action, on peut faire des promesses qui sont plus ou moins... plus ou moins utopique, on va dire. Mais par contre, ce que je crois que le Français moyen, enfin le citoyen, ne pardonne pas, c'est l'absence de sincérité. On est d'accord. Pense qu'on doit le dire. Parfois, moi, je vois, depuis que je suis élu, malheureusement, de la gabegie d'argent public, de l'argent qui est utilisé parce qu'on doit l'utiliser. Moi, je suis sincèrement dépité. Voilà, j'espère encore me battre pour changer les choses assez longtemps, mais bon, on peut tomber de haut. Voilà, je préfère ne pas tout dire, parce que c'est pas le but de démoraliser les troupes, on va essayer de continuer sur ton parcours politique. Oui. Donc, tu t'es engagé également aux élections cantonales ? Départementales. Voilà. Alors, entre-temps, j'étais pendant très longtemps à l'UMP. Ça s'est mal terminé avec le président du département, malheureusement. On a appris ça. Oui, bon, bref, que ce soit une indiscrétion. Non, je fais court sur le... Voilà, donc je suis maintenant au nouveau centre avec Hervé Morin, avec qui je m'entends bien, qui est président de la région normande, de la Normandie. On en a un peu parlé, finalement. Oui, mais il fait son job, et c'est quelqu'un pareil. Un des rares centristes à être arrivé, et surtout s'être maintenu à un niveau véritablement dans une structure politique de responsabilité. Ah oui, c'est quelqu'un. On s'entend bien. Voilà, on se voit souvent. Il me file un coup de main sur différents dossiers. Et sinon, avant, j'avais bossé pour André Rossino et Laurent Hénard à Nancy, respectivement. La référence. Deux personnalités à Nancy. Et puis, donc, je me suis engagé aux élections départementales en 2015. J'ai fait un score de 13%, ce qui est plus qu'honorable, avec Marcel André. Il y avait différents candidats. Mairesse de Saint-Amé. Notre maire de Saint-Amé. Enfin, on n'aime pas trop dire mairesse. Non, c'est pas très joli. Madame le maire. Madame la maire de Saint-Amé. Voilà, il y avait différents candidats, trois candidats de droite, un candidat Front National et puis un candidat de gauche. Et donc on avait fait 13%, ce qui était plutôt un bon score, avec déjà cette volonté à l'époque de faire beaucoup de proximité, beaucoup de porte-à-porte, aller à la rencontre des gens. Moi, c'est ce qui me plaît. Et là, depuis que dans les prochaines... Avec quand même une certaine sensibilité, ce qui dénote un peu par rapport au centrisme, avec quand même une certaine sensibilité écologique. Oui, Marcel, c'est son parcours aussi, féministe, écologiste. C'est ce que j'aime chez elle, c'est quelqu'un, une femme très sincère et qui se bat aussi pour ses idéaux. Voilà, on n'était pas d'accord. Les gens aigrés par rapport à l'écologie. Je découvre très sincèrement. C'est surtout les femmes. Moi, je pense que c'est surtout les. Moi, dans mon parcours personnel, ce sont surtout les femmes qui nous sensibilisent à l'écologie, à l'environnement, au développement durable. Il y a d'ailleurs d'abord ma mère, maintenant ma fiancée qui me sensibilise à tout ça. C'est pas forcément une thématique entre guillemets que j'affectionne, mais voilà, moi je pense plus je vieillis, même si je ne suis pas très vieux, mais je prends à bras le corps cette thématique et il faut qu'on arrive à développer dans les prochaines années à Remiremont, si les électeurs me font toujours confiance dans les prochaines années. Voilà, cette thématique de l'environnement, le développement durable, une ville verte, faire des propositions, je commence à réfléchir sur deux, trois choses. Ah oui, les municipales, c'est dans 2 ans. Mars 2020, oui, ça va vite arriver. Ah, même pas 2 ans. Oui, même pas, ouais. C'est vrai que c'est vite passé. Bon, en attendant, on va quand même s'offrir une pause musicale. Allez, pause musicale. C'était le choix. Allez l'OM. Allez l'OM. Nous reprenons l'antenne avec Jean Aigret, donc monsieur le maire d'Ormiremont, qui a accepté notre invitation. Et on parle bien sûr de Jean Aigret, bien sûr, parce que découvrir un maire aussi jeune, c'est peut-être un des plus jeunes des Vosges. Ah, le plus jeune des Vosges, sûrement. Et ah bon des, ouais, on y, plus jeune maire centriste de France, et un des plus jeunes de France. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup à être élu aussitôt. Alors, élu. Dans un concours de circonstances aussi. Oui, c'était une élection partielle. Il y avait une équipe derrière toi. Oui, une belle équipe d'ailleurs qui m'aide bien dans le quotidien pour gérer la mairie. Tu es fidèle. Oui, très fidèle. C'est une équipe, je dis souvent, voilà, il y a toute la population qui est représentée dans cette équipe. C'est une belle équipe. C'est population française, voilà, entre guillemets, je veux pas cibler, mais on a tout le monde est représenté, quasiment, et toutes les catégories sociales, ouais, toutes les catégories sociales sont représentées, tous les âges, quasiment tous les quartiers. Ah oui, c'est une belle équipe. Ah oui. C'est ça qui a fait votre force, et puis peut-être les erreurs des anciennes municipalités. Oui, il y a plusieurs facteurs. Enfin, déjà, on a fait une belle campagne, une campagne assez courte, mais dynamique, comme je les aime. On n'a pas promis grand-chose, donc comme ça, les gens ne seront pas trop déçus. Je dis ça avec un peu d'humour, mais voilà, on a gagné de pas beaucoup, mais on a gagné. Puis, bon, on s'arrache à faire pas mal de gros projets aussi, en plus du quotidien des Romarimontains. Là, un gros projet qui aboutit. C'est une langue acerbe. Comment ? On dit comme ça, certaines personnes ont dit, ben, c'est plutôt un vote anti. Contre une personne oui. que pour qu'en faveur d'une autre personne. Ah ben j'espère qu'en 2020, ils seront pour moi et qu'il n'y aura pas voilà. de vote anti et que j'aurai réussi à séduire, entre guillemets, ceux qui ont déjà voté pour moi et encore plus ceux qui n'ont pas voté pour moi. Déjà, ne pas décevoir et séduire, parce que très sincèrement, on fournit un gros travail, même si c'est les électeurs qui le jugeront. On fournit un gros travail. Et là, il y a, par exemple, un gros projet qui va aboutir, l'ouverture du marché couvert. On va oui. fêter les 200 ans du marché couvert, 1818-2018, dignement, avec la réouverture d'un marché couvert, avec un épicier, un boucher charcutier, un fromager, un poissonnier. Et imprimeur, et ça ne coûte rien aux contribuables, c'est surtout ça la belle affaire, un investissement de plus de 730 000 euros qui ne coûte rien aux contribuables. C'est des investissements privés. Des investisseurs privés qui investissent à Remiremont. Moi, c'est vraiment mon leitmotiv, c'est faire venir un maximum d'investisseurs privés, puisque malheureusement, on a de moins en moins d'argent dans le public, donc il faut aller chercher l'argent où il y en a, chez les privés. Et là, la première réalisation, grosse réalisation, c'est cet investissement du marché couvert qui ouvrira début du mois de juin. D'accord. Ah oui, c'est proche alors. Oui, début du mois de juin, où ils ont fait des travaux pendant 3 mois. Et après, ils verseront surtout, en plus de ne rien coûter aux contribuables, ils verseront un loyer de 50 000 euros par an voilà, pour la ville en termes d'occupation du domaine public. C'est un des loyers les plus chers pour un marché couvert de Lorraine. D'accord, c'est que ceux qui vont s'installer là pensent quand même que ça peut être valable. Quoi. Ah bah j'espère toujours, oui. Enfin, il faut espérer pour eux. Si des investisseurs qui ont quand même une stature économique solide viennent investir à Remiremont, c'est qu'ils pensent que Remiremont et plus largement son bassin de vie, de Remiremont à Gérardmer en passant par nos deux vallées, qui a encore du dynamisme au niveau des entreprises, des personnes qui veulent s'investir pour leur territoire et qui a de l'argent à se faire, entre guillemets, s'il n'y a pas de honte, s'ils viennent investir, c'est pour gagner leur croûte, comme tous les autres commerçants de Remiremont que je soutiens d'ailleurs. On essaye de ramener un maximum d'investisseurs et de commerçants, d'artisans, de chefs d'entreprise. J'ai un électricien qui va me ramener une entreprise de 10 salariés, 10 plus 10, voilà, 10 salariés par ici, 10 salariés par ici. C'est des couples qui viennent s'installer à Remiremont, c'est des enfants qui vont dans les écoles, c'est aussi en tant que maire des impôts qui rentrent, parce qu'on a besoin d'argent pour réinvestir pour l'avenir. Donc c'est le cercle vertueux que j'essaye de m'employer avec mon équipe à mettre en œuvre. Voilà, les investisseurs, de nouveaux couples, des nouvelles familles. Donc, on a un petit peu augmenté le nombre d'habitants à Remiremont. Je compte bien continuer à augmenter le nombre d'habitants à Remiremont. Pour en venir au marché couvert, oui. qui s'appelait d'ailleurs l'espace volontaire avant, oui. que deviennent les associations qui utilisaient beaucoup ce marché couvert oui. pour des expositions, pour tout ce qui pouvait mettre en valeur le travail associatif. Donc c'est vrai que les associations occupées, donc pour l'aspect historique, en 92-93, quand le dernier producteur local a arrêté, le dernier du nom... Comment ? C'était le boucher, oui, qui malheureusement d'ailleurs s'est suicidé dans la foulée, une histoire un peu glauque, qui s'est arrêtée en 92-93. Le président Poncelet avait décidé de faire de l'espace du volontaire un espace d'animation, et on retrouve aujourd'hui sa vocation première. Et donc il y avait des manifestations organisées dans l'année par les associations de Remiremont, une occupation de 150 jours sur 365, donc un peu moins d'un jour sur deux par les associations, qui coûtait quand même aux contribuables plus de 16 000 euros par an. Avec des manifestations de tout type, des lotos, des expositions, de photos, de peintures, voilà. Et donc on a retrouvé une solution à toutes les associations qui veulent continuer naturellement à exercer. Il y avait suffisamment d'espace. Pour pouvoir développer des activités associatives. Oui, le palais. Et les faire connaître. Voilà, le palais des congrès, le centre culturel, toutes les salles qu'on a à Remiremont. On a un bel héritage du président Poncelet, de nos prédécesseurs, donc on avait quand même de quoi faire. J'étais encore samedi dernier au Brame des Arts, organisé par la mission locale. Et donc la mission locale était très heureuse, comme d'autres associations, à se retrouver dans le centre culturel, dans toutes ces salles qui d'ailleurs étaient sous-utilisées précédemment, oui. qui permettent. Oui, il n'y avait pas grand-chose qui s'y passait, et pourtant, c'est un espace. Parce que la location était relativement élevée. Oui, mais là, on a fait un effort pour continuer à accueillir les associations. Voilà, par exemple, j'ai reçu. Est-ce qu'on peut le dire que Solimat, enfin. Oui, bien sûr. Adémat, va occuper gratuitement pendant trois soirées plutôt, ce palais des congrès. Ce palais des congrès. Oui. L'association Airplay avec Mustapha Itala organise le cri du cœur, un cri pour la vie, Solimat, un concert en faveur de la maternité de Remiremont et plus largement de son hôpital. Trois journées de fêtes, déjà, de fêtes, avec des spectacles, des concerts, vraiment. Une conférence et le vendredi. Et des conférences aussi, mais je voulais dire que les concerts étaient vraiment de qualité, et des conférences, des débats. Voilà. Nombre de. Je ne vais pas tous les citer parce que. C'est très long, très long. C'est très long, mais finalement, il y a énormément de groupes jeunes. Il faut dire quand même que c'est plus. Enfin, quoi que le Club des Indes. Ce n'est pas forcément des tout jeunes, il y a quand même pour tous les goûts, pour tous les âges. Oui, il y en aura pour tous les âges. Et c'est. Et véritablement, donc, à partir de 17h, je crois. Oui, 17h. Hein. 17h vendredi soir au Palais des Congrès. Ouverture des portes vendredi 19h, oui, puisque c'est pour la conférence, samedi et dimanche. Non, 14h, pardon. Ouh là là. J'ai loupé quelque chose. Il y a tellement de choses qu'après on s'en mêle dans les horaires d'ouverture. Dans les horaires exacts. Hein, à partir de 14h, donc le samedi et le dimanche. Le samedi et le dimanche, donc 19 et 20, voilà. Et le 18, ce sera la conférence, je pense. Oui, aura peut-être un peu de plusieurs musique, conférences comme. Avec des débats totalement différents, de la maternité à la maladie de Lyme, avec des élus. Même j'étais avec le député de Haute-Saône qui sera présent aussi sur le débat sur la maladie de Lyme, pardon. Et on est vraiment tous unis, rassemblés pour, entre guillemets, se battre pour un hôpital qui, d'ailleurs, ne devrait pas avoir besoin de nous si ce n'était pas un combat politique, ne devrait pas avoir besoin de nous vu la qualité. Quels peuvent être les rapports entre le maire de Remiremont et le maire d'Épinal ? On s'apprécie. Donc, de mon côté, moi, j'ai toujours. C'est peut-être pas une question à poser ? Si, non, mais il n'y a pas de tabou. Parce qu'on a toujours eu une rivalité avec Remiremont dans l'histoire. C'est pas d'aujourd'hui, déjà, à l'époque de Seguin-Poncelet. Du temps de M. Seguin et M. Poncelet, c'était déjà le cas. Ils se battaient. Ils se champouinaient, entre guillemets, pour le devenir de leur hôpital. Voilà. Pour le devenir de leur hôpitaux respectifs. Donc, c'était déjà chaud à l'époque, c'est toujours aussi chaud. Mais bon, j'ai du respect pour le travail de Michel Henrich à Épinal, il y en a pour le nôtre ici. Donc, on essaye de trouver un juste milieu, un débat équilibré. J'espère que le résultat sera équilibré. Mais j'ai toujours. Malheureusement, est-ce que l'intervention de l'ARS, qui est le bras quand même de l'État, ne va pas mettre tout le monde d'accord ? Non, puisque l'ARS attend après les acteurs locaux, les acteurs de territoire pour se mettre d'accord. C'est vrai que tout à l'heure, on en discutait. Je pense que le combat de la DEMAT et de toutes les personnes qui se sont battues en 2016 pour faire ces grandes manifestations en faveur de la maternité a porté ses fruits. Moi, je pense qu'il y a, vraiment une vox populi à mettre en œuvre, qu'un combat des citoyens pour leur hôpital, l'hôpital de Remiremont, qui va quand même de l'Alsace à la Haute-Saône jusqu'à Épinal, et qui couvre un bassin de vie de plus de 110 000, 130 000 personnes. C'est quand même énorme, avec des installations de qualité, un personnel de qualité, des gens qui toute la journée ont vraiment envie de faire le maximum pour l'hôpital de Remiremont. Et on a un bel outil, voilà l'héritage aussi du président Poncelet, un bloc opératoire neuf, des installations époustouflantes, et on était vraiment en avance par rapport à Épinal, j'ai pas peur de le dire, sur certains points. Et puis, contrairement à. Certains disent la construction du nouvel hôpital d'Épinal va faire que il faudra remplir, quoi. Oui, mais l'analyse n'est pas tout à fait mauvaise. Je le partage en partie. Je ne m'en cache pas. Il faut remplir un hôpital. C'est vrai que là, il y a 200 encore millions. Encore qu'apparemment, l'hôpital d'Épinal n'a pas vocation à avoir tous les lits. Tous les lits occupés que cette structure pensait avoir. Quoi. Je pense que il faut trouver un équilibre entre les deux. Entre les deux établissements. Oui, c'est tous les débats en ce moment qu'on a ensemble. Moi, je pars toujours du principe que, tu vois, c'est mon côté ancien syndicaliste, on tape, entre guillemets. Au début, quand je suis arrivé à la mairie, c'était un tsunami politique et un tsunami aussi pour l'hôpital de Remiremont. Donc on a tapé, on a fait venir Jean Lassalle, on a fait les médias, on a fait des manifs, on a fait tout ce qu'on pouvait. Donc ça a permis de rétablir quand même un dialogue. Mais ça, il n'y a que comme ça qu'on peut rétablir un dialogue. Donc là, le dialogue est là. Dialoguer aussi avec la population en même temps. Oui, mais la, que, ouais, la, qui la comprenne. Gagne une certaine confiance dans ses élus. Oui. Qu'elles sentent bien que les élus ne vont pas lâcher le morceau. Non, on ne lâche pas le morceau. Et donc là, on est dans une phase de dialogue, de négociation, mais si ça ne va pas, de toute façon, les différents interlocuteurs le savent, j'aurais pas peur de retaper et qu'on tapera tous ensemble au niveau médiatique ou politique. Ça, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Donc, j'espère qu'on va sortir la situation par le haut pour le département, surtout. Oui. Puis pour Remiremont, bien sûr. Pour Remiremont, surtout. Les vallées, parce que les vallées. On oublie de dire quand même que Remiremont, c'est le carrefour des vallées. Le carrefour des vallées. Hein, ouais. C'est vraiment le carrefour des vallées. Et puis l'hôpital de Remiremont, c'est vrai, c'est toute une population, comme tu le disais, c'est à peu près 110 000 habitants. Hein, 110 000 habitants. 850 emplois à l'hôpital. Donc 850 c'est vraiment... emplois quand même pour Remiremont, c'est pas négligeable. Et puis non. Un bloc opératoire tout neuf, une maternité d'avant-garde. Ah oui, non, tout est nickel. Quand même, il faut quand même le souligner, quoi. Bon, on va peut-être accorder une deuxième pause musicale. Allez, alors, deuxième morceau. Tu la présentes ? Ah bah c'est un morceau un peu plus jeune et un peu plus récent, c'est du David Guetta ou All Star. Voilà pour, c'est la première idée qui m'est venue. Hein, en dédicace à un ami, Anthony. Première option. Voilà, nous reprenons l'antenne avec Jean et Gray. Donc, nous parlons bien sûr de tous les aspects de la vie politique, de sa vie politique, mais aussi surtout de Remiremont, et puis de l'avenir de Remiremont, de l'avenir, bien sûr, ce sujet qui est encore brûlant aujourd'hui, de la maternité et de l'hôpital de Remiremont. Et au niveau de la Comcom, alors, puisqu'il y avait un certain engagement, un certain équilibre qui devait s'établir au niveau de la Comcom, que Remiremont n'allait pas briguer donc la présidence de la communauté de communes, oui, qui s'appelle la Porte des Vosges. Méridionale. Porte des Vosges méridionale. Oui. Voilà. comme je ne suis pas de Remiremont, j'ai toujours une hésitation sur le titre exact. C'est toujours beau, c'est pour ça que ça s'appelle les Vosges méridionales. Non, c'était une promesse de campagne que j'avais fait aux dernières élections municipales de ne pas cumuler, d'être un maire à temps plein. Donc voilà, je n'ai pas cumulé, j'ai tenu ma promesse. Je ne suis pas président d'Interco. Michel Demange, maire de Saint-Étienne-lès-Remiremont, est élu. Donc on bosse tous ensemble avec... on est 10 maires. On a fusionné entre-temps avec les Vosges méridionales, Girmont, Valdajol, Valdajol, Plombières, les Bains. Et on a fusionné. Ça s'est fait un peu de douleur. Douleur, oui, parce que le préfet avait obligé de nous fusionner ensemble, de se marier ensemble. Donc, même si pour nous, tout du moins pour moi, plus exactement, le territoire est logique, voilà, parce que le bassin de vie du Val d'Ajol, quand même, bien sûr, Remiremont. Il y a une ligne de séparation des eaux. Oui, bien sûr, mais bon, il fallait bien qu'ils trouvent une terre pour se mettre ensemble, parce qu'on fusionne pour aller de plus en plus voir des intercommunalités de plus en plus importantes, et donc les Vosges méridionales, ex-Vosges méridionales sont venues avec nous, et donc ça se passe, voilà. Oui, puis c'est pas un territoire énorme non plus. Non, on est 31 500. Contrairement à la Comcom des Hauts-de-Vosges qui représente quand même un territoire très, très important en surface. Plus vaste, mais à mon avis... si tu veux le fond de ma pensée, on sera quand même amené un jour à fusionner pour peser territorialement et politiquement encore plus depuis l'avènement de la région Grand Est. Et puis on se retrouve quand même entre deux grosses agglomérations, Épinal et Saint-Dié. Et moi je dis toujours, si on ne fait pas une com-com de Gérard May à Remiremont, on se fera bouffer. Remiremont se fera bouffer par Épinal et Saint-Dié. Mangera tout cru Gérard May, ce qui fait qu'on sera... C'est quand même pas, je ne pense pas que la création des communautés de communes soit dans cet enjeu-là, c'est-à-dire une compétition entre les différentes communautés. C'est plutôt un lieu de vie, plutôt un territoire de vie. Territoire de vie à l'échelle humaine. Oui. Alors que là, on s'aperçoit quand même aujourd'hui qu'il y a quand même quelques difficultés dans le fonctionnement de la Comcom des Hauts-de-Vosges. Moi, je partage ta vision, entre guillemets, idéaliste. C'est pas péjoratif, bien au contraire. Mais malheureusement, l'État a poussé pour que les Comcom soient de plus en plus grosses. L'État ou des technocrates de l'État? Oui, bon, l'État est composé de technocrates, donc on fait avec. Mais voilà... La communauté d'agglo d'Épinal était de plus en plus grosse, donc on se retrouve à plusieurs intercos qui est de taille moyenne, voire petite. Et donc, à mon avis, ce n'est que mon avis, on sera amené un jour à fusionner. En tout cas, je l'espère, parce que je ne suis pas pour de grosses agglomérations ou de grosses intercommunalités, mais on est obligé de lutter politiquement, même sur le dossier de l'hôpital. On aurait quand même encore plus de poids si on avait une agglo de Remiremont à Gérard May. Sur certains dossiers, on aurait plus ça de poids. Ça représente combien d'habitants, là, comme de la Porte des Vosges méridionale? 31 500. C'est quand même pas trop mal. Je partage totalement ton point de vue. Je trouve c'est nécessité fait foi. On est obligé de se battre par rapport à d'autres, entre guillemets, c'est la compétitivité territoriale. On est obligé d'aller de l'avant face à deux grosses agglos. Donc on sera amené. Moi, je ne suis pas pour les grosses intercos ni les grosses agglos, à part quand c'est quelque chose de logique, comme certaines métropoles en France. Mais je partage ton point de vue. 31 500 habitants, ça devrait être une taille critique déjà pour faire de beaux projets. Mais on sera amené d'ici 2-3 ans à fusionner avec d'autres intercos. J'en fais le pari ce soir. Je pourrais faire le pari contraire, parce qu'on a l'impression quand même que les populations ne sont pas du tout, sensibles à ces territoires, avec des personnes qui n'ont pas eu l'habitude de vivre ensemble, hein, même s'ils étaient proches l'un de l'autre. Et on a vraiment l'impression que là, ça passe par-dessus la tête des citoyens. Hein, de ce qu'on entend aussi bien sûr, au micro d'RGM que dans la rue, que dans d'autres associations dont on peut faire partie. Hein, on a vraiment l'impression que les personnes, ça les dépasse. Je partage tout ton... Les citoyens sont complètement dépassés par ces com-com-là, tout comme la région d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, si on voit aujourd'hui que 67%, je crois, des Alsaciens sont contre Grand Est, c'est quand même symptomatique, quoi. Il arrive un moment donné, on ne peut pas faire des choses contre les populations. On prend un risque. On prend un risque peut-être qui n'est pas économique, mais qui est humain, social. Hein, il y a peut-être ça à réfléchir. Hein, les gens ne s'y retrouvent pas, et comme je disais encore tout à l'heure, en réunion, entre guillemets, s'en foutent de l'interco, quelle que soit sa taille, c'est les résultats qui comptent. Oui, ouf. Ah si, si, il faut que les élus montrent des résultats, je le dis pour notre interco ici, mais les citoyens sont perdus, entre guillemets, entre des intercommunalités, des cantons. Des cantons qui ne devraient plus exister. Mais qui ne devraient plus exister, je suis d'accord avec toi. Il faudrait des élus de territoire, un binôme, un homme, une femme appartenant à un territoire qui siégerait, le cas échéant, au département, mais aussi à la région. Il faudrait supprimer une strate. Alors donc, t'as les com-com, t'as les pays. Bon, bref, c'est des strates successives. Les habitants appartiennent à un canton différent de l'interco, à un pays différent. Bon, ça va pas. Ils ne s'y retrouvent plus du tout. La plupart des citoyens ne comprennent pas. Des circonscriptions législatives encore différentes, des agglos ou des et qui vont être modifiées, paraît-il. Oui, ils vont réduire le nombre de parlementaires. Donc, est-ce que c'est une bonne chose pour la démocratie? Oui, parce que certains territoires, il faut faire attention. Moi, je suis pour la réduction du nombre de parlementaires depuis très longtemps. Il faudrait qu'on aboutisse à 400 députés grand max, non élus à la proportionnelle, parce que je suis totalement contre la proportionnelle. Ah bon ? Oui, parce que moi je suis pour le combat politique, et pour moi les listes à la proportionnelle, c'est les copains des copains qui pour la plupart n'ont pas de mérite en politique, donc je suis contre la proportionnelle. C'est un peu dur ce que je dis, mais c'est une conviction profonde. Je suis pour des élus de territoire, attachés à un territoire, qui représentent un territoire, et... Il aurait fallu des élus territoriaux qui siègent et au département et à la région Lorraine. Voilà. Sans délit. C'était le projet initial de Nicolas Sarkozy, à l'époque. Mais malheureusement, ça a été galvaudé. On est reparti dans des choses. On a remultiplié le nombre d'élus départementaux avec toujours autant d'élus régionaux. On peut se demander aussi, à certains moments, si les présidents, enfin les dirigeants de Comcom, dirigeants entre guillemets, enfin les animateurs d'une communauté de communes, est-ce que c'est une bonne chose qu'ils soient aussi maires de leur commune? Oui, moi je suis pas pour dissocier maire, président d'interco, parce que c'est toujours cette notion du mérite moi qui me revient, c'est tu t'es battu pour être maire, tu restes maire, c'est quelque chose qui, c'est comme je ne suis pas pour le fait du non-cumul. Ça fait très longtemps, j'avais écrit une tribune à l'époque qui peut en témoigner. Je ne suis pas pour le non-cumul des élus de petites communes en dessous de 15-20 000 habitants. Et le fait d'être député, ça permet, et on l'a vu quand même nous à notre échelon, je pense qu'aussi c'est un sentiment local. Si on n'avait pas eu Christian Poncelet qui avait quand même cumulé certains mandats en même temps, on n'aurait pas tout ce qu'on a. Mais j'ai bien précisé, maire et député, je ne précise pas d'autres mandats comme président d'interco ou encore conseiller général. Mais je pense que d'avoir un... Deux mandats. Oui, mais là, regarde, moi, j'ai deux mandats. Je suis vice-président, j'aurais pu être président d'Interco, maire. T'as deux mandats, c'est encore jouable. Être maire, être député, t'avais l'échelon local et national en même temps pour défendre des communes, petites et moyennes, à un niveau national, ce que sont capables de faire les grandes villes et les métropoles et ce que ne sont pas capables de faire les élus de petites communes et de communes moyennes. Sauf s'ils ont des élus qui sont connus nationalement. C'est compliqué. C'est toujours quand même le syndrome de la petite commune qui est délaissée. Totalement. C'est un risque. C'est un risque, c'est-à-dire que à partir du moment où le maire de la grande commune devient président d'une Comcom, automatiquement, l'attraction de cette municipalité va jouer quand même sur la Comcom et va frustrer quand même les petites communes. Ouais. Je dirais un peu de manière scénique. Est-ce qu'il ne faudrait pas que finalement un président de Comcom soit au-dessus de la mêlée, soit véritablement, ne soit pas le maire, ne soit pas le maire d'une commune. C'est une hypothèse. Moi, je t'avoue que je la partage pas. C'est bon. C'est une question que je pose. Oui, hein, non, mais je suis pas là pour donner mon opinion personnelle. Si tu peux, c'est pas moi, ça me dérange pas du tout, bien au contraire. Mais ce soir, je suis animateur de radio, donc je m'abstiens de donner ma propre version, ma propre façon de voir les choses. En même temps, si tu poses cette question, peut-être que tu as un penchant pour cette vision. Bon, ben, je te taquine, mais moi, je suis pas pour ça. Voilà. Après, je pense qu'il y a un respect à avoir entre nous, mais que quand on regarde... C'est bien pour la Comcom, la porte des Vosges méridionales, finalement, que ce soit un maire d'une autre commune, qui soit président. Moi, le but, entre guillemets, de tout ça, c'est qu'on avance tous ensemble et rapidement. Quels sont les projets de la Comcom? Pas à marche forcée, mais qu'on puisse avancer. Ce soir, je vous livrerai une partie. Il nous reste encore 6 ou 7 minutes. Je vais essayer d'être rapide. 6 minutes. 6 minutes. Une différence, par exemple, sur les associations, ça va être le débat dans les prochaines semaines à l'Interco. Moi, je suis, par exemple, pour que des associations sportives, comme a fait Philippe Seguin, d'ailleurs, à Épinal à l'époque, soient soutenues par un territoire. Je prends le cas de 2 associations sportives qui sont soutenues au niveau de notre territoire. Le rugby et le club de tir, qui sont d'ailleurs tous les deux, on voit quand même mon honnêteté intellectuelle là-dessus, et qui sont sur le territoire de Saint-Étienne et sur le territoire de Saint-Nabor, qui reçoivent toutes les deux une subvention intercommunale de 10 000 euros. Je suis pour que les associations uniques qui portent un territoire et avec une pratique sportive... Toutes le sont plus ou moins. Non, parce que des clubs uniques, tu n'en as pas dans toutes les catégories sportives. À part peut-être le foot, parce que le foot, c'est quand même l'esprit clocher. Oui, je suis d'accord avec toi aussi. Mais il y a plein de sports quand même, le judo, tout ça, le basket, il y a quand même plusieurs clubs, et le tennis qui existent dans différentes communes de notre territoire. Mais il y a certains clubs, je pense à l'athlétisme, au rugby, au club de tir, il y en a d'autres aussi, qui n'existe entre guillemets en une seule version, qui mérite le soutien de l'intercommunalité. Que ça soit d'une part en termes de fonctionnement, je parlais d'une subvention de 10 000 euros, certains de mes collègues sont pour retirer cette subvention, moi je suis totalement contre, et je me battrai pour que ces associations gardent leur subvention, parce que c'est des associations uniques qui font vivre le territoire, et je suis aussi pour que certains investissements d'infrastructures soient payés par l'interco. Ils ne peuvent pas se passer de subvention publique. Oui, mais la vision qui est prônée par certains de mes collègues, c'est de revenir à une subvention communale, et c'est quelque chose de totalement faussé que de penser qu'on pourra revenir à une subvention communale à hauteur de 10 000 euros. Je pense qu'à part la commune d'Ormiremont... Les Comcom ont maintenant quand même des... Le pouvoir financier, l'assise financière. Oui, non, pas seulement ça, mais il y a quand même des options qui reviennent à la Comcom et non plus aux communes. Ah ben je suis d'accord avec toi. Moi, je suis pour l'intégration, que ça soit donc au niveau sportif, culturel, mais aussi en termes de compétences, mais aussi en termes de ressources humaines. On a un déficit au niveau de l'interco. Je l'ai dit au dernier conseil communautaire. Bernard Godefroy avait payé un audit de 57 000 euros visant à intégrer un maximum de personnel de la ville d'Ormiremont, mais pas seulement au niveau intercommunal, puisque c'est un manque réel des autres communes, au niveau du service informatique, du service juridique et d'autres services, au niveau de la paye aussi, des ressources humaines, des salariés et des employés de la Comcom. Un réel manque, et ça permet de mutualiser, de gagner de l'argent, et que, à terme aussi, les contribuables payent moins d'impôts, parce que c'est quand même le but aussi de tout ça. Puis de mettre en commun des compétences. Totalement. Autrement, les Comcom ne servira à rien. Je partage totalement. Tu viendras plaider à mes côtés. Voilà, peu importe. Je ne suis pas parmi les élus. Non, mais bon, on a tous notre avis. Même pas dans ma commune. Mais peu importe que je sois président de la Comcom ou pas, moi je suis pour avancer et avancer rapidement C'est assez mon côté jeune et fougueux, entre guillemets, que je garderai toujours. Il faut avancer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, au point de vue culturel, comme puisque ça nous concerne un peu. Oui, mais tu sais, moi, j'y vais pas à pas. Nous, au niveau culturel, par exemple, à Remiremont, cette année, on a fait un énorme effort d'investissement. On a investi 550 000 euros dans le musée Friri, un musée qui est pourtant malheureusement méconnu, où il y a du Rembrandt, du Goya, du Callot, un Georges de la Tour, des 36 Georges. Et là, c'est la communauté de communes. Non, c'est la ville de Remiremont qui paye. Oui, ça devrait être... Bon, c'est un autre débat, mais tu vois, il y a des infrastructures uniques, et je ne peux l'être pas seulement pour la ville d'Remiremont, mais sur ce territoire qui devrait être intercommunal. Oui. Mais il faut faire bouger. C'est ce qu'on a fait avec la ville d'Remiremont. Tout à l'heure, tu me disais en aparté que la ville, entre guillemets, mourait depuis quelques années. Moi, je partage totalement ce point de vue. C'est qu'à Remiremont, on s'est endormi sur nos lauriers de l'époque du président Poncelet. Et que nous, en tout cas, on essaye de mettre toute notre force et notre énergie pour réveiller la belle endormie, pour qu'elle se transforme définitivement en Belle des Vosges. Voilà. Oui. Alors, quel projet pour il nous reste 2 minutes. Bon, allez, 2 minutes. Quel projet pour l'avenir d'Remiremont? C'est vrai qu'on aurait peut-être pu aborder ça au départ. Oui, mais... On aura l'occasion de se revoir. Oui, je reviendrai avec grand plaisir. Bon, on met déjà en place une politique, entre guillemets, d'animation avec des animations d'été. On a lancé le festival Un air d'été, puisque l'été à Remiremont, il ne se passait rien. On a lancé aussi des festivités. J'ai ramené Nancy Jazz Pulsation avec des concerts de jazz de qualité à des prix d'entrée réduits, 10 euros l'entrée pour des stars internationales, d'autres concerts aussi. C'est en coopération avec la ville de Nancy. Oui. Voilà, des concerts, des artistes nationaux, internationaux qui commencent à venir à Remiremont petit à petit, que je ramène, des cellules commerciales que j'essaye de remplir. Voilà, c'est un savant mélange d'économie, de culturel et de différentes choses qu'on met en place avec notre équipe. Je surveille l'horaire. Merci Jean-Henri Cray. Merci à vous. En sachant qu'on aura beaucoup de choses à dire, mais bon, l'heure s'avance et voilà, on se quitte en vous remerciant, bien sûr, en te remerciant, on peut continuer à se tutoyer, en te remerciant donc d'avoir répondu à notre invitation, et puis bien sûr, quant à moi, je donne rendez-vous à nos auditeurs pour une nouvelle émission de La Parole est à vous, mardi prochain, bien sûr. Voilà, bonne fin de soirée à toutes et à tous. Bonne fin de soirée à tous.